Le vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, Choi Ryong-hae, a quitté le 6 Pyongyang par vol pour participer à la cérémonie de prise de fonction du président de la République du Nicaragua en qualité d'envoyé spécial du dirigeant suprême Kim Jong-un, président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. À l'aéroport international de Pyongyang, il a fait parade de la garde d'honneur des forces de terre, de mer, de l'air et de DCA de l'armée populaire de Corée et de la garde rouge des ouvriers et paysans, après avoir reçu le rapport d'accueil de son chef. L'envoyé spécial a été salué par Lee Soo-yong, membre du comité des affaires d'État de la République, Lee Kil-sung, vice-ministre des affaires étrangères, et l'ambassadeur cubain en Corée, Jesus de los Angeles Aise Sotolongo.